On a traversé de bons moments. Et j'y pense tout le temps. Et je ne sais pas comment oublier tout ça. Des souvenirs de toi. Faut-il laisser faire le temps? Laisser s'enfuir les sentiments. Et je ne peux tuer ce souvenir de toi. Je ne pense qu'à toi. Et je rêve de toi, je pense qu'à toi. Je ne vois que toi, je ne suis qu'à toi. Je suis victime de l'amour. Et je rêve de toi, je pense qu'à toi. Je ne vois que toi, je ne suis qu'à toi. Je suis victime de l'amour. On peut réécrire notre histoire. Garder le début et changer la fin. Et je sais comment tu l'écriras. Et l'amour devint un roi. Mais tout ça pour combien de temps? Et puis après, on fera comment? Car comme les autres, elle se finira. Et l'amour devint froid. Et je rêve de toi, je pense qu'à toi. Je ne vois que toi, je ne suis qu'à toi. Je suis victime de l'amour. Et je rêve de toi, je pense qu'à toi. Je ne vois que toi, je ne suis qu'à toi. Je suis victime de l'amour. Je pense qu'à toi, je ne vois que toi, je ne suis qu'à toi. Je suis victime de l'amour. Et je rêve de toi, je pense qu'à toi. Je ne vois que toi, je ne suis qu'à toi.